La session du premier comité politique de la 71e Assemblée générale de l'ONU s'est tenue au siège des Nations unies du 3 au 2 octobre. Dans son discours, le représentant de la République populaire démocratique de Corée a mis en cause les menaces nucléaires et les hostilités américaines vis-à-vis de la Corée. Il a dénoncé l'illégalité et l'injustice des sanctions et pressions des États-Unis qui poussent à l'extrême la situation de la péninsule coréenne. Il a démontré la justesse de la ligne de conduite du Parti du Travail de Corée, consistant à développer parallèlement l'économie et les forces nucléaires et l'inéluctabilité du renforcement de la dissuasion nucléaire. Il a précisé aussi la position de principe de la Corée pour exercer amplement ses droits au renforcement de la capacité de défense nationale et au développement cosmique à vocation pacifique en tant que puissance nucléaire.